pense à ça, souvent c'est mort. Comment c'est mon souffrance est noir. Pas dans les normes, je dépasse les bornes. Je ressens plus rien, tellement c'est fort. Le silence est d'or, on s'est tout dit. Mon cœur est vide, je suis étourdi. La nuit j'y pense, c'est angoissant. L'humeur fait des 360. Non, je ne dors plus, je me sens vivante qu'au bord du vide. Je me tue encore plus, comme j'ai déjà caché le cœur d'une vie. Depuis je sais plus comment faire, je souris que la tête à l'envers. C'est la fin du mois tous les jours. Je tourne en rond, ça me joue des tours. J'ai trop fait d'efforts, je pourrais mieux aller. Mais je vis encore, le cœur en arrêt. Ouais, j'ai trop fait d'efforts, je voudrais m'en aller. Mais je laisse encore. On se dit adieu. Peut-être qu'on s'ignore, qu'on repense à tout ce qu'on se dit plus. Je bois tes paroles comme un poison, j'en perds le goût des sensations. Je pleure devant la lune en croissant. Non, je ne dors plus, je me sens vivante qu'au port du vide. Je me tue encore plus, comme j'ai déjà caché le cœur d'une vie. Depuis je sais plus comment faire, je souris que la tête à l'envers. C'est la fin du mois tous les jours. Je tourne en rond, ça me joue des tours. On se dit adieu. On se dit adieu.